Évariste Ndikomanyanga. Nous sommes lundi 7 juin 2021. Bienvenue à ce journal édition de la mi-journée dont voici d'abord la charpente. L'économiste Faustin Ndikumana s'insurge contre le flou qui plane autour de la construction du barrage hydro-agricole de Kajeke. Cet expert économiste indique que l'octroi du marché public pour la construction de ce barrage a été entaché de corruption et de malversation. Vous l'entendrez dans ce journal. Le reportage du jour nous conduit sur la colline Kigouhou de la commune Mingakayové en province Rutana, où les finalistes des humanités générales et des universités, faute du travail, se sont regroupés dans des associations pour s'autodévelopper. Et dans la chronique sportive de ce lundi, l'on revient sur l'organisation de la Coupe du Président qui donne accès à la Coupe de la Confédération de la CAF à l'équipe championne. François Kimana sur la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page Justice transitionnelle. Le Sénat burundais est en train de mener des réflexions sur les événements de 1972, comme prescrit par l'article 289 de la Constitution. Le président du Sénat, qui le dit, indique que ces réunions ne chevauchent en aucun cas avec les missions de la Commission Vérité et Réconciliation. Dans une réunion ce lundi avec les responsables des médias, Emmanuel Sinzo Hagera a réaffirmé que l'ethnie ne tue pas. Il a en outre précisé que ses réflexions visent la réconciliation du Burundi et rejettent toute idée de globalisation. Il ne faudrait pas que des enfants soient victimes des faits et gestes de leurs parents, ajoute le président de la Chambre haute du Parlement burundais. L'octroi du marché public pour la construction du barrage de Kajeke a été entaché de corruption et de malversation. Selon l'analyse de l'économiste Faustin Ndikumana, il interpelle le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de sanctionner sévèrement les coupables de la mauvaise exécution de ce projet qui avait pour objectif l'irrigation de la plaine de Limbo pour une augmentation de la production du riz. C'est après que le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, ait effectué une visite à ce barrage et a décidé de mettre en place une commission des experts qui aura pour mission d'évaluer les activités de construction de ce barrage. Suivez Faustin Ndikumana. Normalement, le barrage de Kajeke devait être construit pour l'irrigation des plantations du riz ici à la plaine de Limbo. C'était dans l'objectif d'augmenter la production du riz, voire même pouvoir la doubler. Le coût, je crois qu'il était estimé à environ 12 milliards. Et ce projet va durer bientôt 10 ans. Et alors qu'il n'a pas encore été achevé, c'est un marché public qui a été mal attribué. Ça dénote de la corruption, du détournement des deniers publics. La perte est énorme pour le pays. 5 milliards qui ont été décaissés. Alors que le projet n'a pas abouti, d'autres milliards supplémentaires qui risquent d'être engloutis pour voir si on peut sauver ce qui peut être encore sauvé. Et la production du riz qui devait augmenter dans un pays où l'agriculture et l'élevage ont une place de choix dans le développement économique, c'est honteux de voir de tels résultats si on conçoit un tel projet. Et là où encore la malnutrition frappe fort, là où encore l'indice de la faim est élevé, là où les enfants encore de l'école primaire abandonnent l'école suite à une mauvaise alimentation. Donc si les efforts étaient pour augmenter la production du riz, vous savez, même la consommation du riz chez nous, le riz reste parmi les aliments les plus consommés. Et donc dans ce cas, la perte est énorme. Nous disons alors le gouvernement doit faire un effort visible dans la lutte contre la corruption. Et il faut qu'il au stade des mots, des intentions, commencer à frapper fort. Nous demandons vraiment une enquête sérieuse et minutieuse pour que les gens qui ont trempé dans cette histoire, les gens qui se sont méconduits par rapport à ce projet, soient punis de la façon la plus sévère possible, mais en respectant la loi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page éducation à présent, une enseignante de l'école fondamentale de Ngobeke en commune et province Gitega a été arrêtée ce dimanche pour accusation d'avoir blessé une trentaine de ses écolières à qui elle avait infligé une punition de se déplacer en position agenouillée. Ils avaient échoué à une interrogation du cours de français. Le coordinateur régional de la solidarité de la jeunesse chrétienne pour la paix et l'enfance au Burundi, Sojepaye Burundi, en abrégé, conseille aux éducateurs de ne pas violenter leurs éduqués. Les détails avec Gérard Vikir. 34 écoliers de l'école fondamentale d'Ongobe Kezoni Mouga, commune province Gitega, ont été blessés au niveau des genoux lorsque leur maîtresse leur avait donné l'ordre de se mouvoir en position agenouillée. C'était mardi de la semaine dernière, tel que l'affirme le chef de zone Mouga et cette enseignante même. Ainsi, le coordinateur régional de la solidarité de la jeunesse chrétienne pour la paix et l'enfance au Burundi, Sojepaye Burundi en abrégé, la dissidence Niyongabo, déplore cet acte et conseille à tous les enseignants de ne pas violenter leurs édiqués. Nous avons accueilli cette information avec amertume dans le cas où les enfants ont été maltraités, ils ont subi des traitements inhumains dégradants. Alors, nous demanderions aux éducateurs d'adopter un comportement digne et favorable aux enfants. Normalement, la loi est là. Il y a le règlement scolaire qui précise que les enfants ne doivent être maltraités à l'école, mais aussi il y a la loi internationale, il y a la Convention internationale relative aux droits de l'enfant qui stipule dans son article d'ailleurs 19 que les enfants, une fois qu'ils sont placés à l'école sous la main des éducateurs, qu'ils ne doivent jamais être victime des violences physiques ou des châtiments corporels comme nous l'avons vu la fois passée. L'enseignante accusée d'avoir blessé ses écoliers, Madame Zeymana Espéré, a été donc arrêtée par la police le matin de ce dimanche, comme l'indique le chef de zone Mouga. Toutefois, l'accusée parle d'accident qui lui est arrivé du moment qu'elle ne croyait pas que la situation allait tourner ainsi. De son côté, le directeur de l'école fondamentale d'Ongowe, qui étudie les écoliers blessés, n'en dit pas beaucoup, mais déclare que la justice fera son travail. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci à Gérard Nibigira pour tous ces détails. Un nouveau produit dans la construction de bâtiments a été inventé par un Burundais. Liber Nitunga explique que les matériaux sont fabriqués dans l'usine. Il ajoute que ce nouveau modèle présente des avantages en termes de qualité de prix. Cet entrepreneur rappelle la jeunesse à songer à la créativité, n'est-ce pas Yvette Nijibet? Dans ce nouveau modèle de construction, les briques, les colonnes, les dalles, les escaliers sont préfabriqués à partir de l'usine. Liber Nitunga indique que ce type de construction présente des avantages en termes de qualité, de prix et de rapidité. Les matériaux sont les mêmes. Nous construisons avec le béton armé, avec les murs en briques, etc. Mais la seule différence, c'est que nous, les colonnes, les poutres, les dalles, les escaliers, viennent préfabriquer à partir de lui. C'est très important parce que ça conduit à des avantages très importants en termes de qualité, en termes de prix et en termes de... Cet entrepreneur rassure les Burundais sur la solidité de ses maisons. Liber Nitunga souligne que ce nouveau modèle de construction peut résister aux catastrophes. La façon dont nous connectons les colonnes est trois fois plus solide que ce qu'on a. Donc ça, c'est vérifiable. Alors, ça veut dire que notre technique est plus appropriée aux zones à risque sismique que la technique habituelle. Mais nous avons en plus la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle les contreventes, ou les renforts, ou les jambes de fer. Liber Nitunga incite la jeunesse burundaise de s'adonner à la création de leurs propres emplois. Au Burundi, de toujours soutenir les entrepreneurs burundais. Radio Isanganiro, chronique sport. Place à la chronique sportive de ce lundi. L'équipe qui remporte la Coupe du Président représente le Burundi dans les compétitions africaines de la Coupe de la Confédération organisée chaque année par la Confédération africaine de football CAF. Youssouf Mossi, président de la commission chargée d'organiser les compétitions au sein de la Fédération burundaise de football FFB, fait savoir que les équipes non reconnues par la FFB n'ont pas le droit de participer dans les compétitions de la Coupe du Président. Les détails dans cette chronique avec Marie-Claire Cazenet. Les équipes connues officiellement par la Fédération burundaise de football, FFB, sont celles qui ont droit de participer dans les compétitions de la Coupe du Président. Explication de Youssouf Moss, président chargé de la commission d'organiser les compétitions au sein de la Fédération burundaise de football, FFB. La Coupe du Président regroupe les clubs de première division, de deuxième division, de la troisième division, c'est-à-dire de la division des associations provinciales de l'intérieur du pays. Avant, on associait aussi les clubs corporatifs. Mais maintenant, nous insistons sur les clubs qui sont légalement organisés et reconnus par la FFB. Ce président chargé de la commission d'organisation des compétitions à la FFB fait savoir que ces compétitions commencent dans la phase préliminaire, regroupant les équipes membres des associations provinciales. La compétition se joue en plusieurs phases. Il y a d'abord le tour préliminaire qui met aux prises les équipes des associations provinciales, donc c'est-à-dire de la troisième division, des clubs coopératifs s'il y en a. Et ce match se joue en phase unique sur un terrain neutre. Et puis nous avons le deuxième tour qui regroupe les clubs de deuxième division et les vainqueurs des clubs du premier tour. Le troisième tour, c'est le 16e de finale. À partir de la 8e de finale, les matchs sont organisés en phase aller-retour jusqu'à la fin du championnat, comme le précédent. Youssouf Moss. À partir des huitièmes de finale, nous procédons à un tirage au sort et ces matchs s'organisent en phase aller et retour jusqu'à la fin du championnat. C'est pour donner la chance au club à partir des huitièmes de finale de pouvoir jouer un match à l'extérieur et un match à domicile. Et le règlement prévoit que le but qui est marqué à l'extérieur en cas d'égalité compte double. Et la finale est organisée en un seul match unique qui se joue sur un stade qui est déjà déterminé depuis le début du tournoi. Et en cas de match nul lors de la finale, il sera procédé aux prolongations de 15 minutes de fois 2. Et si l'égalité persiste, on procédera à la séance des tirs au but pour désigner le vainqueur de cette finale. Youssouf Moss précise que l'équipe vainqueur du championnat de la Coupe du Président représente le pays dans les compétitions organisées par la Confédération africaine de football, CAF. Il ajoute que ce championnat du Coupe du Président a commencé au Burundi en 2004, tout en précisant qu'auparavant, cette coupe s'appelait Coupe du Burundi. La Coupe du Président, édition 2021, a été remportée par la formation Bumamuru FC de la province Chibitoke après avoir éliminé l'équipe du Flambeau du Centre sur le score de 3-1 dans la phase finale qui a été livrée samedi dernier au stade Gatwaro de la province Kayanza. Merci à Marie-Claire pour tous ces détails. Des jeunes ayant terminé leurs études secondaires et universitaires sur la colline et zone Kigouvou de la commune Mingakayové de la province Rutana ont opté pour se regrouper dans des associations pour se lancer dans l'agriculture et dans le commerce. Cependant, ces jeunes disent être confrontés à l'insuffisance des capitaux. De son côté, l'administration de la zone de Kigouvou se réjouit des activités de ces jeunes. Le conseiller de l'administrateur communal est chargé des questions économiques et de développement fait savoir que la commune contribue dans la sensibilisation et l'encadrement. Le détail avec Elini Bernivikir. À la source. Reportage. Ces jeunes de la colline et zone Kigouhou de la commune Mingakayové, en province de Rutana, n'ont pas trouvé d'emploi à la fin de leurs études. Dans leur formation, ils ont suivi les lycées pédagogiques, les lettres modernes et autres. Mais ils ont opté pour se regrouper dans une association et se consacrer aux activités agricoles et commerciales, indique Anissa Nduimana, responsable de cette association, qui énumère les défis auxquels ils font face. Ponsian Dikumana, un des jeunes de Kigouhou, dit qu'un jeune qui n'est pas à l'œuvre est en train de perdre. Il dit avoir suivi le lycée pédagogique. Il n'est pas le seul. précise-t-il. Nous avons étudié, nous sommes nombreux, ceux qui ne travaillent pas, nous sommes beaucoup mobilisés. Je leur demande à se mettre ensemble avec d'autres jeunes de différentes zones et communes pour travailler. On nous sensibilise disant que le gouvernement considère ceux qui se sont organisés en association. Même si ces jeunes soulèvent les problèmes liés au manque de moyens financiers, Frédéric Simbizi, chef de zone Kigoho, dit que les jeunes n'ont pas bénéficié de fonds d'appui dans sa zone. Côté communal, Aminga Kayobe, aimable, Lambert Siboniyo, conseiller de l'administrateur chargé des questions économiques et développement, affirme que les jeunes sont appuyés et encadrés dans leurs projets. Ces jeunes de Kigoho, de la commune Aminga Kayobe, sont appelés à élaborer leurs projets qui sont validés par la commune afin qu'elle aille en chercher les financements à la Banque des Jeunes. Merci Irene Bell pour tous ces détails. Voilà, c'est la fin de ce journal. Et merci à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route. Voici le rappel des titres. L'économiste Faustin Dikoumana s'insurge contre le flou qui plane autour de la construction du barrage hydro-agricole de Kajek en province Louanza. Cet expert économiste indique que l'octroi du marché public pour la construction de ce barrage a été entaché de corruption et de malversation. Le reportage du jour nous a conduit sur la colline Kigoho de la commune Mingkayové en province de Tana, où les finalistes des humanités générales et des universités, faute du travail, se sont regroupés dans des associations pour s'autodévelopper. Et dans la chronique sportive de ce lundi, on est revenu sur l'organisation de la Coupe du Président qui donne accès à la Coupe de la Confédération de la CAF à l'équipe championne. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à François Akimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikoumananga. Un bon après-midi à toutes et à tous.